Chapitre 2. En apesanteur. Éphéméride 1. Bip bip font les petits Spoutnik. 6h du matin, j'éteins les étoiles. Hip hop. Debout les spationautes. 7h déjà, l'oxy actionne des verrous métalliques. Clic et clac font les clés des gardiens, qui vont à Vienne. Filant en route périodique. Hip hop. C'est de la musique, la tectonique. Dans la cour des planètes tournent en elliptique. Zinzine. Sans voir autour j'entends des sons électroniques. Ta sœur, ta mère, tous les pointeurs. Hip hop. Ici les murs sont fixes. Immobile. Silence. Couché dans ma capsule, la nuit, j'allume les sépoils.